Les ciseaux anglais. La journée fut ennuyeuse pour Julien. Il la passa tout entière à exécuter avec gaucherie son plan de séduction. Il ne regarda pas une seule fois Madame de Rênal sans que ce regard n'eût un pourquoi. Cependant, il n'était pas assez sot pour ne pas voir qu'il ne réussissait point à être aimable, et encore moins séduisant. Après le déjeuner, Madame de Rênal rentra dans le salon pour recevoir la visite de Monsieur Charcot de Maugiron, le sous-préfet de Bray. Elle travaillait un petit métier de tapisserie fort élevé. Madame Derville était à ses côtés. Ce fut dans une telle position et par le plus grand jour que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de Madame de Rênal, dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment les regards du galant sous-préfet. Madame de Rênal eut une peur extrême. Elle laissa tomber ses ciseaux, son peloton de laine, ses aiguilles, et le mouvement de Julien put passer pour une tentative gauche destinée à empêcher la chute des ciseaux qu'il avait vu glisser. Tout cela trompa le sous-préfet, mais non Madame Derville. « Ce joli garçon a de bien sottes manières, » pensa-t-elle. Julien, voyant sa gaucherie, il avait de l'humeur. S'obstinant à jouer le rôle d'un don Juan, lui qui de la vie n'avait eu de maîtresse, il fut sot à mourir toute la journée. Il n'eut qu'une idée juste. Ennuyé de lui et de Madame de Rênal, il voyait avec effroi s'avancer la soirée où il serait assis au jardin à côté d'elle et dans l'obscurité. Il dit à Monsieur de Rênal qu'il allait à Verrières voir le curé. Il partit après dîner et ne rentra que dans la nuit. À Verrières, Julien trouva Monsieur Chélan occupé à déménager. Il venait enfin d'être destitué. Le vicaire Malon le remplaçait. Julien aida le bon curé et il eut l'idée d'écrire à Fouquet que la vocation irrésistible qu'il se sentait pour le Saint-Ministère l'avait empêché d'accepter d'abord ses offres obligeantes, mais qu'il venait de voir un tel exemple d'injustice que peut-être il serait plus avantageux à son salut de ne pas entrer dans les ordres sacrés.